الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، على رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد، عباد الله، après ceci, adorateur de Dieu. في الثلاثاء القادم, mardi prochain, يدخل فصل الشتاء. Il y aura l'arrivée de la saison d'hiver. وفي الحقيقة فصل الشتاء في هذه السنة بدأ قبل وقته. Et en réalité, la saison d'hiver, cette année-là, a démarré avant le terme, même en automne. ففي الأسبوع الماضي رأيتم الثلوج تسقط على يعني ضواحي باريس أو المنطقة الباريسية. Vous avez vu la semaine dernière, le mardi ou le mercredi dernier, il y avait la chute de la neige dans la région d'Île-de-France. Aujourd'hui, il y a la chute de neige qui concerne 20 départements parmi les départements de l'Est. Et la neige descend, il y a eu la chute de neige aussi en Angleterre, en Allemagne, jusqu'au point que les avions ne pouvaient plus décoller. Il a arrêté les taïrats, les sommirats, tout le haraka choulet, les gens ont passé leur nuit dans des voitures, dans leurs voitures, etc. Fasl al-shita huwa faslu al-buruda. La saison d'hiver est la saison des températures négatives. تصل إلى خمسة أربعة عشرة تحت الصفر عندنا، وفي مناطق أخرى في أوروبا تصل حتى 40 تحت الصفر. Chez nous, on atteint facilement moins 2, moins 4, moins 10, moins 12. Mais dans d'autres régions en Europe, ça atteint même moins 40 ou plus que moins 40 degrés. À Toulouse, لما تسقط مثلا اليوم أو في المرة الماضية, يعني لو قدرنا فقط في فرنسا 10 سنتيمتر, si on estime la chute à 10 centimètres en moyenne sur la France entière, فيكون معنا أكثر من 5 مليارات متر مكعب من الثلوج تسقط على أرض فرنسا في يوم واحد, بل في بضع ساعات. Donc, si on fait l'estimation de 10 cm dans la France comme moyenne en France entière, on va trouver dans les calculs à peu près 5 milliards de mètres cubes de neige qui tombent sur la France uniquement dans une seule journée, plutôt dans quelques heures. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Et avec cette coïncidence, مناسبة الفصل الشتاء يا لوكازيون دو سيت سيزون ديفير اذكر او اذكر بعض الخواطر je vais rappeler quelques ou je vais donner quelques réflexions. الخاطره الاولى la première réflexion ان القران ذكر في 35 ايه نزول الماء من السماء. Le Coran a cité dans à peu près 35 à 36 versets coraniques la descente ou la chute ou la tombée de l'eau du ciel vers la terre afin d'attirer notre attention. 35 ayah للماء ينزل من السماء. الزكاة التي تكلمنا عنها ذكرت في القرآن 33 مرة. La zakat que nous avons citée dans le premier discours a été prononcé dans 33 versets uniquement. Au total, 33 versets. Al-Hajj wa Siyam, 10 ayat, 11 ayat. Le pèlerinage ou le jeûne du mois de Ramadan, 10 à 11 versets dans le Coran. Mais l'eau de la pluie ou de la neige, 35 ou 36 fois. Yashut intibahen, afin d'attirer notre attention, amama hadihi al-ayat al-ilahiyya, devant ce signe divin qui est l'eau qui descend du ciel. وَسَمَّ اللَّهُ هَذَا الْمَاءِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءِ. Dieu a donné un qualificatif ou à cette eau du ciel quatre qualificatifs. سَمَّهُ طَهُورًا. Il l'a appelé purificatrice. وَغَيْثًا. Et aussi secours. وَرِزْقًا. Et subsistance. وَمُبَارَكًا. Et béni. فَالْمَاءُ رِزْقٌ وَبَرَكَةٌ. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه فنزل المطر. Donc l'eau représente une subsistance, une bénédiction. Une fois le prophète prière et ça sur lui était avec ses compagnons, il y a eu la tombée ou comment dire la pluie a commencé à tomber. فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه. Et le prophète prière et ça sur lui a retiré ses habits. كشف ذراعيه. Il a découvert ses bras. ورجليه. Ses pieds. ورأسه. Et sa tête. حتى أصابه المطر. Jusqu'au point que l'eau a touché toutes ses parties de son corps. فقيل له يا رسول الله لما صنعت هذا. On lui dit au messager de Dieu, pourquoi tu as fait ainsi? قال لأنه يعني الماء حديث عهد بربه تعالى. رواه الإمام مسلم. Il a dit parce que il vient récemment. C'est-à-dire l'eau vient récemment de son Seigneur, rapporté par l'imam muslim. Il a fait ceci pour avoir la bénédiction de l'eau, car l'eau est bénie. Raison pour laquelle l'islam interdit l'insulte de la pluie, ou insulter la neige, il a akhiri. Etc. فمن سب هذه الأشياء فقد سب الله. Celui qui insulte la pluie, celui qui insulte le froid, celui qui insulte la neige, réellement il insulte Dieu subhanahu wa ta'ala. Quel temps! Il fait mauvais. J'arrive même pas à dire des choses prononcées par les gens aujourd'hui lorsqu'il insulte le temps ou lorsqu'il insulte la pluie, etc. Tant de بنديكسيون. فالمطر والثلج والبرودة والحرارة والريح كل ذلك يأتي بإرادة الله. Donc la pluie, la neige, le froid, la chaleur, le vent, toutes ces choses viennent par ordre de Dieu. Ces choses sont innocentes. Elles ne viennent que par ordre de Dieu. فالمسلم يرضى ويفرح بكل ما جاء من عند الله. Et le musulman montre sa joie et sa satisfaction devant toute chose qui vient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est la volonté de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et on ne peut qu'accepter agréablement le choix de Dieu. الخاطرة الثانية, la deuxième réflexion. الإنسان لما يخرج في الصباح ويجد الأرض مغطاة بالثلوج. Lorsque l'homme sort le matin et remarque que la terre est couverte, le sol est couvert par la neige, تجد الأرض بيضاء. Tu vois le sol qui est devenu à l'horizon de la vue est devenu blanc. يقول سبحان الله ولا إله إلا الله. Il dit gloire et pureté à Dieu et il n'y a aucune divinité à part Allah. لأنه سيمشي على الماء. Parce qu'il va marcher sur l'eau. إذا كان عيسى عليه السلام يمشي على الماء. Si Jésus, prière et sa souris, marchait sur l'eau. فها أنت كذلك تمشي على ماء البحر. Et te voici, toi aussi maintenant, tu marches sur l'eau de la mer, de l'océan. ماء آت من آلاف الكيلومترات من بحار الشمال. Une eau venant de milliers de kilomètres des mers ou de l'océan du nord. Malayir al-amtar min al-ma, des milliards de mètres cubes d'eau, rufi'at min al-bihar, qui a été élevé de leurs mers ou de leurs océans. Malayir al-atman, des milliards de tonnes, rufi'at fi sama, qui a été élevé vers le ciel, des milliards de tonnes. Wa atat wa wudi'at 'ala al-ard, et qui est venu et qui a été déposé sur le sol. Et par la suite, te voici en train de marcher sur cette eau qui hier était à sa place dans la mer ou dans l'océan. La ilaha illallah. Al-ma' al-malih mawjoud fil bihar wal muhitat. L'eau salée se trouve dans les mers et les océans. Al-khazan al-alami, qui est le réservoir mondial d'eau. Wallah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, yubakhir bishams al-ma' liyutahhirahu min al-malh min al-malh. Dieu évapore grâce au soleil l'eau pour purifier l'eau du sel. Et il nous apporte l'eau par le biais du ciel grâce au vent. Et grâce à cette eau, il arrose le pays qu'il veut à l'intérieur du continent. La ilaha illallah. لو أراد الإنسان أن يفعل ذلك كم يحتاج من معامل لإزالة الملح. Si l'homme a voulu faire cette opération, il aura besoin à combien d'usines pour purifier l'eau du sel. وكم يحتاج من أنابيب لحمل الماء. Il aura besoin de combien de canalisations pour la circulation d'eau. وكم يحتاج من طاقة كهرباء وبترول لكل هذا. Il aura besoin combien d'énergie électrique ou énergie de pétrole, etc. وكم سيلوث الهواء. Et combien l'homme va-t-il polluer l'air pour faire cela. Allah بطريقه écologique, Dieu avec une méthode écologique, استعمل طاقتين متجددتين من غير اي تلوث. Dieu a utilisé deux énergies renouvelables sans pollution. طاقة الشمس وطاقة الريح, l'énergie du soleil et l'énergie du vent. وعند نزول الثلج لم ينزله علينا جليدا. Et lors de la chute de la neige, Dieu n'a pas voulu faire la chute de la neige sous forme de givre ou sous forme de cube ou parallépipède de glace. La anzalahu ala shakli qutnin latif khafif. Il a fait la chute de la neige selon une forme de coton doux et léger. Hatta la yazrahana, pour ne pas nous blesser. ولا يقتلنا يا afin de ne pas nous tuer. ولا يحطم كل شيء يا afin de ne pas détruire toute chose. لا إله إلا الله. من قال للثلج أن يوقف التساقط في الأسبوع الماضي عند 10 أو 30 سنتيمتر. Qui a dit, qui a donné l'ordre à la neige d'arrêter sa chute lorsqu'elle a atteint 10 cm ou 30 cm? لماذا لا ينزل حتى يغطي المنازل ويقتل كل شيء؟ Pourquoi la neige ne tombe pas jusqu'au point de couvrir les habitations? 7 mètres, 30 mètres de hauteur au lieu de 30 cm et tuer toute chose. لو كانت الطبيعة هي التي تنزل الثلوج كما يقولون. Dans le cas où c'était la nature qui causait la chute de la neige comme ils disaient. La ghattat at-tuluj kull shay, la neige allait couvrir toute chose. Wa mata kull shay li'anna at-tabi'a la 'aql laha, et toute chose allait périr parce que la nature n'a pas de raison. Nuzul at-thalj biqadar dalil 'ala wujud ilahin hakim rahim qadir. La chute de la neige avec une mesure bien déterminée qu'elle ne dépasse pas est la preuve de l'existence d'un Dieu qui est sage, qui est capable et qui est miséricordieux. La ilaha illallah. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, wa anzalna min as-samaa'i ma'an biqadar 10 cm ou ma yfoutash biqadar بقدر فأسكنناه في الأرض. Nous faisions descendre du ciel une eau selon une mesure bien déterminée, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas. La mesure est fixée par Dieu. الخاطرة الثالثة والأخيرة, la troisième et dernière réflexion, أتستطيع أن تنزع ثيابك, es-tu capable, frère ou sœur, d'ôter, d'enlever tes habits, وتبيت خارج البيت فوق الثلوج البيضاء في برودة الشتاء. Es-tu capable d'enlever tes habits, tes vêtements et de passer la nuit sur la couche de neige blanche pendant le froid glacial de l'hiver? ناقص 10 ناقص 15 موان 10 موان 12 اكسترا الى اخره. اذا كنت لا تستطيع فاتقي جهنم. Dans le cas où tu es incapable de le faire, crains pieusement l'enfer. فهذا البرد آت من جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Parce que ce froid glacial, il vient directement de l'enfer, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. البرد آية إلهية تبين لك نموذجا صغيرا من جهنم. Le froid glacial est un signe divin qui te montre un petit échantillon de ce qui se trouve dans l'enfer. Toi, en étant ici dans le bas monde, tu as déjà une idée de ce qui se trouve en enfer. Dans le cas où tu es incapable de rester dans le froid, fatajannab ad-dunub التي تجر إلى برد جهنم. Dans le cas où tu es incapable, évite, mon frère ou ma sœur, les péchés qui mènent tout droit vers le froid glacial de la GN. لا تقول لم أكن أعرف. Ne dis pas ah, je ne savais pas. فربك يذكرك بجهنم مرتين في السنة. Ton Seigneur, par pitié envers toi, il te rappelle à deux reprises dans l'année la GN. مرة في الشتاء, une fois en hiver, ومرة في الصيف, et une fois en été. فجهنم فيها البرودة وفيها كذلك الحرارة ولا يموت فيها ولا يحيى. بارد congelé, ولكن لا يموت ولا يحيى, يتألم. La GN contient le froid et contient en même temps la chaleur. وفي الأخير, et à la fin, إننا قادمون على أعياد آخر السنة. Nous nous approchons de des fêtes de la fin de l'année, أعياد مسيحية, des fêtes chrétiennes, وعلينا احترام أعيادهم, et nous devons tous respecter leurs fêtes. ويجوز لنا تهنئتهم بأعيادهم, il nous est permis de leur présenter nos félicitations, qu'on les félicite à lors de leurs fêtes, qu'on leur présente les vœux, etc. ولكن لا يجوز لنا الاحتفال بهذه الأعياد. Mais il nous est pas permis en islam de fêter, de célébrer ces fêtes. شعار المسلم لكم دينكم ولي دين. L'emblème du musulman, à vous votre religion et à moi la mienne. لكم أعيادكم ولي أعيادي. À vous vos fêtes et à moi les miennes. أخي أختي كن مسلما متميزا. Mon frère ou ma sœur, sois un musulman bien distingué. وفي الأخير كذلك أقول لكم اليوم زارنا إخوة من إسبانيا جاءوا في هذا البرد وفي هذه التلوش من إسبانيا بمدينة برشلونة. Des frères à vous, ils sont venus dans ce froid et pendant ces neiges, etc. Ils ont traversé tout cela pour venir vers vous. De l'Espagne et exactement de la ville de Barcelone. Donc, afrihouhum. Rendez-les joyeux, mes frères et mes sœurs. Bimalikum, ishtaru dif al-jannah al-yawm. Avec votre argent, achetez la douceur qui se trouve dans le paradis et évitez le froid glacial avec l'argent qui se trouve dans l'enfer. Wafaqan Allahu jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت يا واحدا في عليائك يا رب السماوات والأرض يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب اجعلنا نعتبر اجعلنا يا رب من أولي النهى اجعلنا من أولي الألباب الذين يقفون أمام آياتك في الكون يرون البرد فيتذكرونك ويتذكرون جهنم يا رب اجعلنا ممن يذكرك ويتذكرك عند كل نفس يا رب كما وقيتنا حر أو شر هذا البرد بالثياب، يا رب قنا عذاب جهنم وبرد جهنم غدا يوم القيامة بإدخالنا من غير حساب إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أجسامنا لا تقوى على لهيب أو زمهرير جهنم، يا رب برحمتك لا بأعمالنا، فأعمالنا ضعيفة وناقصة، ولكن برحمتك يا رب متعنا بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نحن ووالدينا وأجدادنا وزوجاتنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين نساء ورجالا، إنك على كل شيء قدير. وصل وسلم وبارك في هذا اليوم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.